boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Troisième Pop and Rock, je suis allé gratter, chercher, explorer pour trouver des groupes qu'on n'a jamais entendus dans Pop and Rock et qu'à mon avis peu de radio passe aujourd'hui. On commence avec Group Love, je sais rien d'eux, mais chercherai plus tard pour avoir les infos. Ce soir c'est juste le plaisir de découverte. Le premier morceau qu'on a écouté s'appelait Deleter. On l'enchaîne donc avec un second morceau de Group Love. Le morceau s'appelle Colors. Yeah, I'm a man, man, man, man, up, up in the air, and I run around, round, round, round this town, town, and act like I don't care. So when you see me flying by the planet's moon, you don't need to explain if everything's changed. Just know I'm just like you. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. the truth. J'aime bien Group Love, je crois bien qu'on va se faire finalement, même si c'est pas la soirée, une triplette avec tout de suite un troisième morceau de Group Love. Le morceau s'appelle Tongue Tied. Take me to your best friend's house. Allez, on monte le son, on prévient les voisins, c'est Pop and Rock. My way. Ben, c'est un peu la philosophie de Pop and Rock, ça, non? On écoute ce qu'on aime sans s'occuper des choix des autres. Et c'est pas moi qui le dis, c'est notre deuxième groupe du soir, écoutez bien leur nom, West End Motel. Tout ce que je sais d'eux, c'est que j'aime leur musique, bien sûr, et que ce groupe est constitué de barbus chevelus. Allez, on enchaîne un second morceau de West End Motel, le morceau s'appelle Another Day. Tell me where you're going. meditate. I'll watch you walk away. Another day, I let you walk away. Another day, I'll watch you walk away. Allez, je crois que vous avez compris, finalement, c'est un pop and rock spécial triplette, puisque pour la deuxième fois ce soir, on va écouter un troisième morceau d'un groupe. Le groupe s'appelle donc West End Motel, et le morceau s'appelle Tiny Man. Just a tiny man living in a home. Don't you think it's wrong? I think that something could be wrong. Machine à remonter le temps, elle ne marche pas toujours bien, mais si elle cale dans le passé, ne vous en faites pas, Nino, mon acolyte, vous tiendra compagnie. On va donc remonter au début des années 2000 pour aller à la rencontre d'un gars que je viens de découvrir, mais qui a une vraie histoire rock à son actif. Il s'appelle Rodolf Burger, et le morceau que je vous offre, vous le connaissez, écoutez. Flooring around, I'm the one who'll dance on the flooring around. She said her name was Billie Jean, as she crossed the scene, every head turned with eyes that dreamed of being the one to dance on the flooring around, the one on the floor.

génial pour servir les cocktails de flatterie au venin. Quant à moi, merci bien, je ne bois rien que des liqueurs abstraites produites à l'œil par magie blanche. Mais vous, vous reprendrez bien une petite coupe. What a wonderful taste. Nuit de ci, nuit de là. Chantonne un cavalier mental. My rifle, my pony, and me. My rifle, my pony. Au Unlimited Marriage, pas sûr qu'il y ait une relation de cause à effet, mais en tout cas, on enchaîne avec ce troisième titre de Rodolphe Burger. Lèvres fines et souples comme les branches du saule, a-t-il osé dire, et il le croyait, et elle l'a cru. Tu es fort comme le taureau et tu excelles en exclamation, a-t-il osé proférer. Et elle le croyait. Et elle a cru. Tu es douce ainsi que l'ardoise sèche et polie, a-t-il osé dire. Et il le croyait. Et elle a cru. Tes lèvres fines et douces comme abdomen de guêpe, a-t-elle osé proférer, et elle le croyait, et elle l'a cru. Tu es fort comme l'anguille qui ne meurt pas décapitée, a-t-il osé dire. Et il le croyait. Et elle l'a cru. Tu as l'air d'avoir 12 ans et 12 yeux de lapin à la lumière. T'elle osait affirmer. Et elle le croyait. Et il l'a cru. Ta voix est le vent qui retourne les feuilles et disperse les cendres. A-t-il osé prétendre? Et il le croyait. et la crue. Tu es celui que j'attendais, a-t-elle osé prétendre. Je te connais comme si je t'avais faite, a-t-il osé prétendre. Elle le croyait, elle l'a cru. Elle le croyait, elle l'a cru, demandant, nous ne mourrons jamais, n'est-ce pas? Tu es mon poussin, a-t-elle osé affirmer? Je t'aime plus que tout, a-t-il osé dire? Sans toi je ne pourrais vivre, a-t-elle osé proférer? Je voudrais me baigner dans ton sang, a-t-il osé proférer? Elle le voulait, elle l'a cru, elle le voulait, elle l'a cru, saignant chaque mois d'un abondance sans roue, comme il pleut, comme il neige, comme il fait nuit. Je voudrais disparaître dans tes aisselles, vivre en ton cou. A-t-elle osé dire? Et elle le croyait, elle l'a cru, je t'ai cherché partout, même en dormant, mes yeux scrutaient le vide. A-t-il osé prétendre? Ces fleurs des pommiers, des poiriers sont pour toi, a-t-elle osé dire? Ces fruits sont pour toi, les fruits rouges, les groseilliers, les fraises, les cerises, a-t-il osé prétendre? Sois heureux partout, même là où je ne peux être. A-t-elle osé murmurer? Elle le croyait, elle l'a cru, elle le croyait, elle l'a cru, heureux même. Tu es belle comme ceux qui s'étiolent et tombent par terre, a-t-il osé dire? Tu es le morceau de moi qui me manque, a-t-elle osé dire? Tu es belle comme ceux qui s'étiolent et tombent par terre, a-t-il osé dire? Tu es le morceau de moi qui me manque, a-t-elle osé dire? Ce Ce soir, nous surfons sur des univers très différents, après celui de Rodolphe Burger, mais en fait, on dit peut-être Burger, enfin, je sais pas, enfin, on s'en fiche. Après l'univers de Rodolphe, je vous entraîne dans un monde étrange, celui de Westerman, avec leur premier morceau du soir, Blue Comanche. Turn back around. Turn back around. Turn back around. Turn back around. I am nearly the cyborg. Ready to take your course. There's enough. On my hand. No trees past the acorn. You made a pact I heard. That's enough. I wasn't there. Could not relate, wasn't to know. My head goes now, the rest must follow. I have been looking for an answer. Turn back now, Comanche, walk me through the blue corn at sundown. Turn back around. Turn back around, Comanche, walk me through the blue corn at sundown. Trying, but it just won't work. Can I Là, on était en 2018 avec le morceau Confirmation de Westerman, des sonorités douces de Westerman qui me rappellent certaines mélodies californiennes des années 80. Mais on est bien en 2020 pour écouter le troisième et dernier morceau de Westerman, A Color Show. Dernière découverte du soir. Allez, faut que je prenne mon élan parce que là c'est compliqué. Le nom du groupe est ZSD Metal. Là ça passe. Je vais me lancer pour le titre. Attention, des Onvolondigan. Non, c'est pas ça. Des Onvolonding. Ah, j'y arrive pas. De Onvolondigan. Ça doit être du flamand. Allez, dernière découverte du soir est ZSD Metal. Zeker weten waar ik zat, ook hetzelfde wist. Ben alle twee geleerd, we kunnen zo verdedigen. Ben alle twee geleerd, we zijn goed in verdedigen. Mijn vingers zijn verkrampt in mijn vuist. Verlangen naar ons beiden. Ik ben de bonne, ik weet gerne bei ihr sicher ohne West. Es ging kaum bitter an, ich zu ihm ob er lieden. Sie aus ihr Nüstern, sind wir unvoliden. Wir schwiegen alles mit, roepen naar het dieren zonder geluid. Tot hij hier in je arm zwart. Tot hij de ce groupe, je pense, belge. Le titre est beaucoup plus simple, ça s'appelle tout simplement, enfin je sais pas si on le prononce comme ça, en tout cas ça s'écrit en français, on dirait le mot Jen. Sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Er wordt gekaapt, maar vooral gemut. Er slaan langs alle kanten vlammen uit. be what you want, I'll always be your champion. Sublime, spinning, dancing.